بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم قول الإنسان في دعائه إن شاء الله؟ Beaucoup de personnes, beaucoup de muslims, quand ils font الدعاء, ils disent إن شاء الله. مثلا بعضهم يقول: كالله تفاسيليت إن شاء الله. كالله تدن تل شوز إن شاء الله. Est-ce que c'est permis? قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لا ينبغي للإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يقول إن شاء الله في دعائه. Ce n'est pas permis de dire إن شاء الله في دعائه. Pourquoi? قال: بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له. Tu n'as pas besoin de dire إن شاء الله. Pourquoi? لأنك تدمد الله سبحانه وتعالى. Est-ce que quelqu'un peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de te répondre? Amma anta, si tu veux faire une chose, tu dis Inch'Allah. Pourquoi? Léana, tu ne sais pas est-ce que tu vas faire telle chose demain. Maintenant, on dit le prochain cours, c'est lundi. Inch'Allah. Nous, on a cette intention. Lakin, on ne sait pas est-ce qu'on pourra faire le cours, est-ce qu'on va être encore vivant, etc. Fafi hadha al-hal, on précise Inch'Allah, si Allah y veut. Amma la'an, tu demandes à Allah azza wa jal. Enfin, pourquoi tu dis Inch'Allah? Tu lui demandes. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال في القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et Allah subhanahu wa ta'ala, كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين, أن Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de chaque nuit, فيقول من يدعوني فأستجيب له. Qui c'est qui m'invoque? Je lui réponds. فلابد من هذا العزم. Il faut être sûr, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude, et on n'a pas besoin de dire Inch'Allah. قال, وقد قال الله سبحانه, ادعوني استجب لكم, فوعد بالاستجابة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de te répondre, أخي المسلم. قال, وحينئذ لا حاجة إلى أن يقال Inch'Allah. Donc on n'a pas besoin de dire Inch'Allah, si Allah y veut. لأن Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de lui demander. Enfin, comment dire après si Allah y veut? Allah, il t'a ordonné. وقال ربكم ادعوني. Invoquez-moi. Donc invoque et tu attends la réponse. Tu attends qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'exauce. قال لأن الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد للدعاء فإنه يجيبه إما بمسألته أو بأن يرد عنه شرا أو يدخرها له يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. هذا ثبت جاء في حديث أن celui qui fait الدعاء il a une de ces trois choses. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de dire Inch'Allah. Wa'adullah. Wa la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala est la première. Celui qui lui demande, imma il l'exauce directement, fi dunya. Imma il repousse un mal qui devait te toucher. Imma Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera la récompense de ce du'a yawm al-qiyama, le jour du jugement. Dans tous les cas, t'es gagnant. Fali hadha, quand tu invoques Akhil Karim, ne pense pas que ton du'a, il n'a aucune utilité. Ça, c'est min su'udhan billah. Si tu es sincère et tu invoques, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala encore plus dans les moments plus bénéfiques, comme le dernier tiers de la nuit, comme quand tu es prosterné, etc., n'aie aucun doute. Anaka, tu es fi khayr. Même si la seule récompense que tu aurais, c'est que tu as demandé, c'est une adoration, Allah il te récompensera, ça suffirait. Lakin, tu es récompensé parce que tu as adoré Allah sincèrement et kadalik, tu auras ce que tu as demandé. Ou Allah, il repoussera un mal qui devait te toucher. Ou Allah, subhanahu wa ta'ala, il te donnera quelque chose de meilleur, yawm al-qiyama, le jour du jugement. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فليعزم المسألة. انظروا مع وضوح الحديث. الحديث il est clair. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال que personne ne dise اللهم اغفر لي إن شئت. Allah, يا الله pardonne-moi إن شئت, si tu veux. إن شئت c'est exactement comme إن شاء الله. مثلا si واحد fait دعاء il dit اللهم اغفر لي, nous on dit إن شاء الله. لا, on dit آمين. Ça veut dire quoi آمين? Ça veut dire اللهم استجب. آمين c'est un دعاء. Quand tu dis آمين, ça veut dire اللهم استجب. يا الله exauce-nous ce dua. Donc, tu dis amin et tu fais un dua bi ikhlas. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fal yazm al-mas'ala. Tu demandes, tu es sûr, tu n'as aucun doute. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala karimun, il donne à qui il veut. Qala, fa in qala qa'il, pour terminer, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a cité un ishkal, ça peut poser un problème à notre hadith. قال ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. لكن on a ce hadith. Et si on revient pas aux savants, ça peut nous poser problème. Comment faire? Donc on est sûr, walillahi alhamd, que quand on fait du'a, on n'a pas besoin de dire inshallah. Et dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, quand il a visité un malade, la ba's tahour inshallah. Cheikh Ibn Uthaymeen قال, rahimahullah. فنقول بلا ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء. نعم, ce qui apparaît, comme قال Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est que ce hadith, c'est pas un du'a. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit la ba's tahour inshallah, c'est pas un du'a. قال وإنما هو من باب الخبر والرجاء وليس دعاء. نعم, c'est une information. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lama qala, la bas tahour, inshallah, il a informé que ce qui lui arrivait, c'était min bab tahour, c'est, ça le purifiera de ses péchés. C'est une information. Khasatel, quand tu sais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était appuyé par la révélation, il n'a pas fait un dua qu'Allah il le purifie. Là, il est en train de se faire purifier de ses péchés. C'est pour ça qu'il a dit, inshallah. Vu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. قال الشيخ ابن عثيمين فإن الدعاء من آدابه أن يجزم به أو أن يجزم به المرء والله أعلم. على كل حال, on fait attention, ça arrive beaucoup, هذا beaucoup. Combien tu reçois de messages où tu fais un dua et directement la réponse inshallah, ou بعضهم ils font des dua et ils sont sincères, لكن ils ne connaissent pas le sujet et ils demandent et à la fin ils disent inshallah. On essaye de propager هذا الخير, et on essaye de montrer à ceux qui sont autour de nous, anna hadha, ça contredit un hadith du prophète alayhi salatu salam, wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq wa as-sadad, wa hayyakum Allah, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.